Chapitre 11. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il déclara, « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle a pour but de montrer la gloire de Dieu et doit servir à donner gloire au Fils de Dieu. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait, puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » « Maître, lui répondirent les disciples, il y a très peu de temps, les Juifs cherchaient à te tuer à coups de pierre, et tu veux retourner là-bas ? » Jésus leur dit, « Il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. » Jésus leur dit ces mots, puis ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples répondirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » Jésus avait voulu dire que Lazare était mort, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil normal. Jésus leur dit alors clairement, « Lazare est mort. Je me réjouis à cause de vous de n'avoir pas été là-bas, parce qu'ainsi vous me croirez. Mais allons auprès de lui. » Alors Thomas, appelé le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec le Maître. » Quand Jésus arriva, il découvrit qu'on avait mis Lazare au tombeau déjà 4 jours auparavant. Béthanie est près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère reviendra à la vie. » « Je sais, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus lui déclara, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Après avoir ainsi parlé, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit en secret, « Le Maître est là, et il te demande de venir. » Dès que Marie eut entendu ces mots, elle se leva et se hâta d'aller vers Jésus. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever et sortir en hâte, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie arriva à l'endroit où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient aussi. Il en fut profondément attristé et troublé et il leur demanda, « Où l'avez-vous enterré ?»« Seigneur, viens et vois, » lui répondirent-ils. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que Lazare ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément attristé, se rendit au tombeau. C'était une caverne avec une pierre placée devant l'entrée. « Enlevez la pierre, » dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais car il est dans le tombeau depuis 4 jours. Jésus lui répondit, Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces hommes qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après avoir dit ces mots, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres réunirent alors le conseil supérieur et dirent, Qu'allons-nous faire? Car cet homme accomplit beaucoup de miracles. Si nous le laissons agir ainsi, tous croiront en lui, puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Ne saisissez-vous pas qu'il est préférable pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et qu'ainsi la nation entière ne soit pas détruite ?» Il ne disait pas cette parole de sa propre volonté, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation juive, et non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, les autorités juives décidèrent de faire mourir Jésus. C'est pourquoi Jésus ne continua plus à aller et venir en public parmi les Juifs. Il se rendit dans une région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La fête juive de la Pâque était proche, et beaucoup de gens du pays se rendirent à Jérusalem avant la Pâque pour la cérémonie de purification. Ils cherchaient Jésus, et alors qu'ils se trouvaient dans le temple, ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'en pensez-vous? Viendra-t-il à la fête ou non ?» Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, il le fasse savoir afin qu'on puisse l'arrêter.